le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Hitler 1943, montrer les mécanismes de la solution finale. La Shoah, c'est la mise à mort de près de 6 millions de juifs d'Europe par l'Allemagne nazie et ses collaborateurs pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. C'est la définition donnée par le mémorial de la Shoah. C'est une histoire d'images, ces images qui illustrent les manuels scolaires, les documentaires, certes qui servent de documents pour les historiens et pour les historiennes. Mais quelles sont les images que nous avons en tête quand nous pensons à la Shoah, des corps décharnés dans des baraquements, ceux des camps de concentration, des files d'hommes, de femmes, d'enfants dans les camps d'extermination, les fosses où sont abattus par balles les juifs d'Europe de l'Est? Que nous apprennent les travaux des historiens et des historiennes sur cette histoire avec toujours des découvertes? Simone Veil. C'est-à-dire qu'on a découvert, grâce au Père Desbois, qu'il y avait en Ukraine des fosses communes considérables et qui n'avait jamais été découvert jusque-là. C'est quelque chose de très très important de savoir ça. Maintenant d'ailleurs, il sort des livres sur ce qui s'est passé en Ukraine, mais à cette époque-là, on avait très peu de choses. Oui, les historiens estiment entre 1 500 000 et 1 800 000 juifs fusillés sur le sol de l'Ukraine actuelle et jetés, je dirais, dans des fossés derrière les églises, sous la place du marché, dans une petite forêt, n'importe où, je dirais partout où il y a un fourré, quelque part dessous il y a des juifs. Ce sont des mots très forts prononcés par Simone Veil et le Père Desbois. Bonjour Marie Moutier-Bitant. Bonjour. On peut rappeler, parce que là, ce qu'évoque Simone Veil, c'est une découverte, dit-elle, de ce qui s'est passé sur ces territoires, c'est l'Ukraine aujourd'hui, ce qu'on a appelé la Shoah par balle. On peut rappeler un peu déjà cette redécouverte. C'était pas une évidence pendant longtemps. La Shoah était lue à travers les camps de concentration et d'extermination. Je dirais que c'est plutôt une entreprise de médiatisation de cette histoire, parce que un certain nombre d'historiens, notamment des historiens allemands ou américains, s'étaient déjà penchés sur la question de ces fusillades massives des juifs en Union soviétique occupée. Et évidemment, à la chute de l'Union soviétique, de très nombreuses archives ont pu être ouvertes côté soviétique, et notamment les archives de la Commission extraordinaire d'État qui enquête sur ces crimes nazis, qui a apporté évidemment un matériel considérable pour pouvoir étudier ces fusillades. C'est très important ce que vous venez d'évoquer, hein, la différence entre l'avancée de la recherche historique et la médiatisation de cette recherche historique. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui à travers l'image. Marie Moutier-Bitant, vous avez travaillé sur le début de la Shoah en Galicie orientale. C'est où la Galicie orientale déjà ? Actuellement, il s'agit de l'Ukraine occidentale, donc les régions autour de Lviv, Ternopil, Ivano-Frankivsk. Le pacte antisémite, c'est le livre que vous avez écrit chez Passé Composé. Dans cette histoire-là, l'image est essentielle, on le voit dans le livre. Il y a des documents. Quelle a été votre méthode ? Il y a le travail de l'historienne, que l'on connaît, la recherche de sources et tout type de sources. Vous avez ajouté quelque chose aussi, c'est aller voir sur place, rechercher des témoignages. Tout à fait. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années avec le père Patrick Desbois qu'on a entendu tout à l'heure. Et cela m'a permis d'aller à la rencontre des voisins des juifs, des voisins ukrainiens des juifs, pour qu'ils puissent témoigner du processus génocidaire qui s'est déroulé justement sur ces territoires de Galicie orientale et d'apporter une voix complémentaire à cette histoire de massacre. On peut rappeler un peu la chronologie, c'est-à-dire à partir de quel moment débutent ces massacres ? Dès le 22 juin 1941, c'est-à-dire dès le premier jour de l'opération Barbarossa, les premières victimes civiles de l'armée allemande, puis ensuite des Einsatzgruppen, ce sont des juifs. Et dès ce 22 juin 1941, les juifs sont pris pour cible par toutes ces unités qui participent à l'opération Barbarossa. C'est-à-dire qu'en Allemagne, les persécutions, évidemment, ont déjà commencé. Les Allemands arrivent sur ces territoires-là, la Galicie orientale. Y avait-il des persécutions avant des juifs ? Il y a un antisémitisme profond enraciné dans ces régions, mais c'est véritablement le lancement de l'opération Barbarossa qui va lancer une sorte de permis de tuer contre la population juive de ces territoires. Quand vous étudiez l'antisémitisme, ce pacte antisémite, vous regardez ce qui se passe avant. Vous l'avez évoqué, hein, il y avait déjà un antisémitisme. On le voit à travers, alors c'est particulier, hein, ce travail que vous avez fait sur les images, sur la présence des juifs dans cette région du monde. Qu'est-ce qui a permis le développement de l'antisémitisme ici? On les voit, alors ils sont souvent devant leur boutique, on voit des photographies. Ce sont des photographies familiales, on comprend bien, ils sont fiers de sa boutique, ils posent devant. il y a un héritage chrétien qui fait que les Juifs de ces régions, mais aussi d'ailleurs aussi bien de l'Empire austro-hongrois ou l'Empire russe, qui vont être plutôt, on va les engager à travailler dans le commerce, dans les métiers d'argent, donc banquiers, négoces, commerçants. Et il y a vraiment un cloisonnement de la société galicienne avant-guerre qui persiste encore dans les années 30 sous la Pologne. 80% des commerçants sont des juifs. Par conséquent, ils habitent principalement dans les villes. Et il y a aussi toute cette dichotomie ville-campagne qui est extrêmement forte. Et à cela s'ajoute voilà un ressentiment socio-économique extrêmement fort qui est relayé à partir des années 30 par un nationalisme ukrainien très fort et avec des revendications pour une Ukraine aux Ukrainiens. Ouais, parce que c'est ça, hein, c'est ce mélange en fait d'antisémitisme lointain. C'est toujours très important de saisir un peu cette ère du temps qui est difficile à voir dans votre étude, Marie Moutier-Bitant, dans l'approche que vous avez pu avoir de ces témoins. Quelle était la parole? Qu'est-ce qu'on vous a dit des relations qu'il y avait entre des Ukrainiens, pour le dire plus simplement, et des Juifs? Ça se passait bien? Les relations existaient, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de deux mondes parallèles. Au contraire, les échanges professionnels et sociaux étaient très forts, très importants. Et d'ailleurs, on se rend compte que de nombreux Juifs parlaient aussi très bien l'ukrainien. Et certains Ukrainiens pouvaient aussi se faire comprendre en yiddish, mais également en polonais, hein, qui est aussi la langue de cette région dans les années 30. Et malgré tout, il y a un ressentiment qui existe entre ces deux populations qui est extrêmement fort, entre une population, disons plutôt très paysanne, très rurale, qui a moins accès à l'éducation, et ces Juifs qui sont perçus dans l'imaginaire collectif comme étant un peu plus riches, vivants un peu mieux, et cela à travers des clichés selon lesquels les Juifs donc ont l'argent, les Juifs ne travaillent pas pendant le Shabbat, n'exercent pas des professions difficiles, et tous ces préjugés persistent encore aujourd'hui quand on se rend sur place. Oui, c'est ça qui est aussi très important de le souligner. Cette histoire-là, c'est une histoire qui s'écrit sur un temps très long, et on le voit bien qu'il y a un moment de bascule qui est d'une violence inouïe, c'est le moment où les Allemands, les nazis, arrivent en Ukraine. Au sud du front, prise de Mélitopol et de Mariupol. Nous voici maintenant près de la mer d'Azov, où l'armée blindée du général von Kleist poursuit vers Mélitopol sa manœuvre d'encerclement par le nord des armées boudienniques. Les soviets, en se repliant, incendient les villages qui brûlent au loin. Les actualités du 30 octobre 1941, évidemment les actualités françaises de propagande. Marie Moutier-Bitant, l'arrivée des Allemands conduit à des persécutions. Alors menées par qui? Par les Allemands dans un premier temps? Oui, ce sont eux qui posent le cadre légal de la persécution des Juifs dès leur arrivée sur ces territoires soviétiques. Et ils vont s'appuyer donc évidemment sur les Einsatzgruppen, sur les bataillons de la police allemande, également sur les armées alliées, donc les Roumains, les Slovaques, les Hongrois, et également sur la population locale. Et au sein de cette population locale, il y a des relais nationalistes un peu partout dans ces campagnes de Galicie orientale qui vont eux aussi délivrer ce permis de tuer dans les campagnes. Et c'est comme ça que vont éclater les pogroms sur un territoire assez important, et on estime à plus d'une centaine le nombre de pogroms qui éclatent donc entre la fin juin 41 et je dirais la mi-juillet 41. Avec un nombre de victimes considérables, des personnes tuées bien sûr, mais il n'y a pas que ça, et vous le montrez très bien, et notamment à travers l'analyse d'images, il y a des photographies qui font froid dans le dos, hein. Notamment on voit le rasage forcé d'un juif en Ukraine, nous sommes en juillet 1941, on sent que l'image a une place très importante. Alors l'image pour être diffusée c'est une chose, mais la scène, la mise en scène de l'humiliation, c'est très important ça. Oui. Ce sont des mises en scène, c'est important de le rappeler. Ces photographies, il faut les prendre avec énormément de précautions, mais je pense que mon collègue Tal Brutman reviendra dessus. Ce sont la plupart du temps des images qui ont été prises par les bourreaux eux-mêmes, par les nazis. Donc il faut s'imaginer que là, on voit les événements à travers leur regard et à travers tout le narratif nazi. Vous parlez de ces barbes découpées, de ces humiliations. effectivement, ce sont les juifs orthodoxes, les juifs religieux qui vont être les premières cibles, tout simplement parce qu'ils sont aisément repérables par les soldats allemands et les membres des Einsatzgruppen. On les identifie immédiatement comme juifs et on sait que l'opinion allemande fera de même. Et c'est pour ça que va se diriger contre eux particulièrement toute une série d'humiliations, de mises en scène extrêmement macabres, où on va obliger par exemple des rabbins à marcher par terre à la manière d'animaux ou de danser avec des jeunes filles sous le regard goguenard des soldats allemands, mais aussi de la population locale. Avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Tal Brutmann, bonjour. Bonjour. On peut rappeler déjà, et c'est ce qui a été évoqué, l'importance dans le travail de l'historien, de l'historienne, de saisir qui a produit ces images. Et ça, ça vaut pour l'ensemble des images. On parle de la Seconde Guerre mondiale, on pourrait étendre, là je parle vraiment de démarche. Mais en fait, c'est une question très récente et... Je pense que c'est même une question générationnelle chez les historiens, parce que l'ouvrage qui me vaut l'invitation ici a d'abord été publié en Allemagne en 2019, et en même temps à peu près, il y a un ouvrage remarquable qui a été publié en France sur la question de la photographie coloniale par Daniel Folliard. Donc on se rend compte que c'est vraiment une nouvelle question en histoire, et vous l'avez dit en introduction, il y a un problème majeur avec le rapport qu'on a à l'image, qu'il s'agisse de la photo ou d'autres productions comme les dessins ou les peintures, c'est qu'on l'utilise comme illustration. Et pas comme source. En gros, il y a cette idée qu'il suffit d'infliger l'image, de la montrer, et on comprend ce qu'on voit, et on sait ce qu'on voit. Alors que c'est totalement faux. On ne le sait pas. Et en gros, ce que Marie rappelait tout à l'heure sur les scènes d'humiliation, de rasage forcé qui ont été produites même avant l'Ukraine, en Pologne, et même avant le début de la guerre en Allemagne, on pense qu'on comprend ces photos. Or, il y a tout un ensemble de mécanismes au pluriel qui viennent se surajouter là-dessus, sur le pourquoi ces photos ont été générées, ce que vous avez soulevé, dans quel but, et souvent on n'en sait rien, parfois c'est des photos trophées ou des photos souvenirs, c'est rarement des photos destinées à la propagande, autrement dit à être propagées, et toutes ces questions-là qui sont des questions évidentes dès qu'on travaille sur des sources écrites, on ne se les pose pas quand on a affaire à l'image, et quelles que soient les photos de la Seconde Guerre mondiale, si vous regardez en général dans toutes les publications, qu'il s'agisse des revues, des manuels scolaires ou même des livres d'histoire, on va dire, hardcore, les légendes sont très très sommaires, approximatives, voire erronées. C'est-à-dire qu'on ignore le producteur, y compris le photographe, on ignore le lieu, voire même la date. Ce qui donne quelque chose de très problématique si on réfléchit en tant qu'historien, c'est que ce qu'on apprend quand on commence à faire des études d'histoire, c'est qu'il faut... l'objet, la date, le producteur, etc. Tout ce qu'on ne réclame pas d'une photo ou d'un autre type d'image. Et là, on a un vrai problème de fond et qui doit être littéralement pensé. Et ce problème-là, dans l'album d'Auschwitz, hein, un album d'Auschwitz, comment les nazis ont photographié leurs crimes. C'est votre ouvrage dans lequel vous avez collaboré, publié au Seuil, Tal Brutmann. On sent bien que le piège ultime de ce que vous venez de dire, c'est d'être soi-même victime, peut-être pas de la propagande, mais au moins de l'intention de celui qui a pris la photo. C'est pas qu'on est victime, c'est qu'on est piégé. Enfin, littéralement piégé, pour une raison très simple. Si on prend les photos sur lesquelles on a travaillé à trois avec deux historiens allemands, Stefan Ordler et Christophe Kreutzmüller, alors je dirais pas que c'est une collaboration, mais plutôt une coopération, c'est mieux quand on parle de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez bien raison. Avec des Allemands. Mais en fait, on a pris un objet. Littéralement un objet qui est un album de 197 photos qui sont mondialement connues depuis le début des années 50 et qui est archi-utilisé pour montrer ce qui était à Auschwitz. Et en fait, non, le problème c'est que ce n'est pas ce qui était à Auschwitz au sens premier du terme, c'est ce que des SS veulent montrer à d'autres SS à Berlin en ce qui concerne le fonctionnement d'Auschwitz, un Auschwitz idéalisé avec plein de guillemets par des SS pour des SS. Et ces photos-là qui sont ultra connues par tout un chacun, ben en fait, elles sont mal utilisées, mais voilà, comme toutes les photos en histoire en général. Mais en plus, elles sont très mal comprises parce que on projette nous ce qu'on pense savoir de ce lieu-là et de ce moment-là. C'est-à-dire, ce moment-là étant le fonctionnement du centre de mise à mort d'Auschwitz, et on ne comprend littéralement pas ce qui a été produit et pourquoi ça a été produit. Et pour donner un exemple, vu que là on est sur à la radio, on peut pas montrer d'image, mais il y a énormément de photos de cet album où on voit les victimes qui attendent la mort, sans le savoir, et donc nous on s'identifie à ces victimes, c'est totalement logique. Sauf que le SS qui a fait ces photos-là, le photographe SS qui a fait ces photos-là, il cherche pas à pitoyer qui que ce soit, c'est exactement le contraire, il cherche à montrer à ses supérieurs à Berlin le brio du système de Dupri mis en place à ce moment-là pour réaliser la plus grande opération d'assassinat de la solution finale. En gros, entre mai 1944 et la fin du mois de juillet, début août 1944, il est projeté d'assassiner 630 000 juifs de Hongrie. C'est la plus grande opération en termes de temporalité qui ait jamais été organisée. Et tout l'objectif de ces photos, c'est de montrer à quel point nous, les SS à Auschwitz, on sait réaliser cette opération. Alors que ces photos, elles sont très largement mises en scène. Et Marie l'a dit tout à l'heure, toute photo est mise en scène. Mais là, ce sont des photos qui sont mises en scène pour essayer de démontrer ce que je disais, un Auschwitz idéalisé qui serait parfait. Alors que tous les témoignages et plein d'autres éléments permettent de comprendre que ces photos ne disent pas la réalité des opérations telles qu'elles se passent, mais disent la réalité, enfin, les opérations telles qu'on veut les montrer à Berlin. Oui. Et ça vous montre le problème qu'il y a, parce que ces photos sont utilisées depuis 6 décennies pour montrer comment était Auschwitz. Ah, mais cet album, effectivement, il est connu quand on voit les photos. Certaines, on les reconnaît, mais on ne les avait jamais vues telles que vous les présentez, c'est-à-dire avec le regard de l'historien Tal Brutmann. Cet album d'Auschwitz, oui, connu depuis longtemps, évidemment, à revisiter. Il existe deux formes de mémoire de la Shoah, les images et les témoignages. Commençons par les images. Celles que nous allons vous montrer sont uniques au monde. En effet, les nazis détruisaient systématiquement toutes les preuves de leurs crimes. Ces photographies ont été prises à la sauvette par un SS demeuré anonyme. Il a confectionné un album, retrouvé dans une baraque en Allemagne, précisément par une des personnes qui faisait partie de ce convoi où périt toute sa famille, Lily Jacob. C'est l'album de Lily Jacob présenté en 2005. Tal Brutmann, à vous, vous allez dire, oh là là, faut tout remettre à plat ici, parce que c'est pas du tout pris à la sauvette, ça ne cherchait absolument pas à dissimuler les choses, là, au contraire, j'ai presque envie de dire, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse, et en plus, il y a énormément de choses qui sont intéressantes d'avoir ce son, parce que ça permet de montrer à quel point l'image est maltraitée ou maltraitée. On a ces photos, et comme vous l'avez dit, il suffit de les regarder pour voir que c'est pas pris à la sauvette. Mais il y a cette idée, et qui a longtemps circulé, y compris durant la période communiste du musée d'Auschwitz, depuis la fin des années 90, c'est plus du tout le cas, que ces photos auraient été prises à la sauvette. Alors, si vous regardez où sont prises les photos, c'est du haut d'un wagon, enfin, au vu et au su de tout ce qu'il y a autour. Donc c'est littéralement impossible. Il y a un narratif qui s'est mis en place. On ne sait trop comment, ni où. Il n'y a pas de source initiale qui donne ce narratif-là. Mais c'est l'idée qui a prédominé pendant très longtemps. Il y a aussi cette idée qui est fondamentale et qui a prédominé jusqu'à ce qu'on se mette à travailler là-dessus. Qu'on a 197 photos prises sur un convoi, c'est-à-dire vraiment tout a été photographié le même jour. Et en fait, l'idée de ce travail sur cet objet-là est née du constat qui avait été élaboré au départ par Christophe Kreutzmüller qui m'avait dit il y a un problème. Il y a des photos qui sont prises à la même heure et ça on le sait grâce aux ombres. Un coup il pleut, un coup il fait ultra sec si on regarde le sol. Donc lui avait remarqué ça, alors que moi, ça faisait 15 ans que je travaillais sur Auschwitz. J'avais pas fait attention du tout, parce que justement, il y avait cette impensée, y compris chez moi, sur regarder correctement des images. Et à partir de ce moment-là, on s'est rendu compte, quand on a tout mis à plat, que non, il n'y a pas 197 photos prises sur un même jour. Il y a 197 photos qui nous sont parvenues, donc beaucoup plus qui ont été prises. Et ça, on peut l'établir, et on l'a établi dans le livre en donnant des exemples. 197 photos prises entre le 16 mai 1944 et le début du mois d'août 1944, pas sur un convoi, mais au moins une douzaine de convois. Donc c'est plus du tout la même narration, ni le même narratif, pour reprendre un anglicisme. Et ça permet justement de montrer déjà qui a un immense impensé, j'insiste là-dessus, sur le rapport à l'image. Parce que cet album-là et ces photos-là, vous l'avez dit, ça a été publié en 2005, mais même en 80 et en 81. Et on a l'album, les photos circulaient depuis le début des années 50. L'album nous est parvenu grâce à Serge Klarsfeld, qui à la fin des années 70 s'était interrogé sur d'où provenaient ces images qui circulaient dans le monde entier. Et en enquêtant, et Serge Klarsfeld a notamment ce talent-là de réussir à retrouver des pistes très compliquées, et là c'était très compliqué, à la fin des années 70, en 79-80, il retrouve la trace de la femme qui possédait cet album, que vous avez mentionné, Lily Jacob. Il la convainc de remettre l'album au musée israélien de Yad Vashem. Et à partir de ce moment-là, on a littéralement l'objet, l'album qui est reproduit dans le monde entier à partir du début des années 80, qui continue à être reproduit in extenso, avec toujours cette idée que c'est le convoi de Lily Jacob. Et donc, de fait, elle figure sur une photo et on sait que son convoi a été photographié. Mais c'est impensé et ces photos-là, elles sont en permanence utilisées pour montrer ça se passait comme ça à Auschwitz. Et c'est totalement faux, ça ne se passe pas comme ça, c'est comme ça que les SS veulent montrer que cela se passe, mais en interne, auprès de leurs supérieurs. Et en plus, on connaît maintenant l'histoire de cet album, on peut la rappeler parce que Lily Jacob donc apparaît sur une des photos. Comment a-t-elle récupéré cet album des photographies prises par les nazis ? En fait, Lily Jacob est une juive de Hongrie qui a été déportée durant cette immense déportation, qui ensuite est transférée d'Auschwitz au camp de Dora, et elle est libérée par les alliés au camp de Dora. Et en cherchant de la nourriture, elle se rend dans une des baraques des SS, elle retourne tout, et en retournant des vêtements, elle tombe sur un album qu'elle ouvre, elle reconnaît des gens de son village qui ont été photographiés dans l'album, et elle finit même par se retrouver, elle et des membres de sa famille. Et donc, elle garde l'album avec elle, et je pense que le fait qu'elle se reconnaisse là, amené à conserver l'album, parce que quelqu'un qui meurt de faim quand il est libéré d'un camp de concentration, sa préoccupation, c'est pas de prendre des photos avec lui pour les sauver pour l'histoire. Donc elle va conserver cet album, elle va en confier une copie au musée juif de Prague, parce que, et là ça rejoint d'une certaine façon le territoire étudié par Marie, en fait il faut comprendre que les juifs de Hongrie vivent sur un territoire aujourd'hui qui est éclaté entre l'ex-Tchécoslovaquie. Et Lily Jacob est tchécoslovaque, en fait, et elle vient d'un village de Slovaquie aujourd'hui, c'est très compliqué. Et une grande partie des photos qui sont dans l'album montrent des juifs qui ont été déportés de la ville à l'époque de Tekso en Hongrie, mais qui aujourd'hui est à Tchatchif en Ukraine. Donc c'est vraiment éclaté sur une zone géographique. Mais donc elle confie des photos au musée juif de Prague, elle émigre aux États-Unis, et c'est le musée juif de Prague qui va diffuser ces photos. Et elle vient déposer au procès de Francfort en 1964, le fameux procès d'Auschwitz. Sauf que la justice allemande ne s'intéresse pas aux photos, y compris d'un point de vue judiciaire. Pour la justice allemande, c'est pas intéressant. Et donc, cet album est oublié. On oublie qu'il a été montré à Francfort. Il a même été utilisé, enfin, les photos ont été utilisées avant au procès à Eichmann, mais on sait pas que ça vient d'un album. Et c'est Serge Klarsfeld qui fait que l'album est redécouvert et est même préservé pour l'histoire en étant confié à Yad Vashem. Mais depuis, on se contente de reproduire cet album, sauf qu'en 80, Klarsfeld, quand il le publie pour la première fois, il dit maintenant aux historiens de jouer. Or, les historiens, qui sont des historiens, je suis un historien, ont été piégés par j'insiste, c'est le mot, je l'ai déjà utilisé 5 ou 6 fois, l'impensé sur l'image. C'est-à-dire, on voit la photo, on la comprend, et donc voilà, on sait, Lily Jacob nous a dit qu'elle est sur la photo, donc le convoi a dû arriver à telle date, puisqu'elle avance une date, elles ont toutes été prises le même jour. Autrement dit, les photos n'ont pas été analysées comme documents. Elles n'ont pas été regardées. Et en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement, il n'y a pas de magie ou de sorcellerie, on a simplement regardé les photos, on les a décryptées, on s'est interrogé sur ce qu'on voyait. Or, le problème, c'est que pour comprendre ce qu'on voit sur une photo, il faut savoir ce qu'il y a dans la photo. Alors, ça peut paraître très paradoxal, mais je vais prendre un exemple qui rejoint quelque chose que vous avez évoqué avec Marie. C'est qu'on voit des hommes avec le visage bandé. Ils ont comme un œuf de Pâques autour de la tête sur certaines de ces photos. Or, la raison pour laquelle vous voyez des hommes qui ont le visage enturbané, c'est tout simplement qu'ils ont été rasés de force par les Hongrois en Hongrie, et soit qu'ils sont blessés sur le visage, soit qu'ils veulent recouvrir la nudité qui leur a été infligée, puisque ce sont, comme Marie l'a rappelé, ce sont des juifs orthodoxes, ils se sont entourés le visage. Autrement dit, sur une photo prise à Auschwitz, vous avez une trace de ce type de violence qui a été perpétrée au départ des convois, là en l'occurrence en Hongrie, mais voir un homme au visage entouré de ce qui ressemble en fait à un turban, on ne comprend pas ce que c'est. Notre regard glisse dessus. Donc il faut le raccorder, etc., etc. Et sur des photos, par exemple, et je vais m'arrêter sur cet exemple, au fond de plein de photos, on avait remarqué qu'il y avait une sorte d'objet noir qu'on n'arrivait pas à comprendre. Et au bout de, vu qu'on a travaillé 5 ans dessus, au bout de 4 ans, on finit par retrouver dans les archives du musée d'Auschwitz, où il y a des rapports de construction, que sur ces jours-là où ces photos ont été prises, il y a une pelleteuse qui se trouvait là pour des travaux de consolidation de la gare qui est en cours de construction. Autrement dit, cette tache noire qu'on voit, qu'on n'arrive pas à interpréter, grâce aux archives, on réussit à l'identifier. C'est une pelleteuse qui est prise de dos, donc on voit pas la pelle. On voit juste la cabine du type qui s'occupe de la pelleteuse. Mais voilà, donc en fait, voir une image, ça nécessite d'aller chercher les documents qui permettent de comprendre ce qu'on voit dans l'image. Et c'est pas notre regard qui nous permet de comprendre. Notre regard, il nous permet juste de déceler des éléments qu'il faut ensuite être en mesure d'analyser. C'est le travail de l'historien, de l'historienne, et en couverture de cet album d'Auschwitz, on retrouve des photos de l'album, et notamment un énorme gros plan, un zoom, parce que c'est ça, c'est la recherche du détail. Marie Moutier-Bitant, dans ce travail-là de l'image, vous procédez de la même manière. On voit bien sur les images qu'il y a dans votre livre, Le Pacte antisémite, il y a du détail. Ici, vous voyez, tiens, il y a un enfant, il est pieds nus, etc. Il y a ce regard nécessaire. Oui, et justement pour rebondir sur ce que disait Tal, tout ce travail de l'historien, ce regard critique sur les images, reste encore à faire pour ce qui s'agit des photos de fusillades que l'on a pour l'Union soviétique occupée. La plupart d'entre elles, vous verrez, on voit une sorte de commando de fusillade, commando d'exécution, très bien rangé, composé d'une dizaine, d'une douzaine de soldats ou de policiers qui mettent en joue des victimes dans une fosse. Et là, on a l'exemple de Dubosari ou de Lipaya, où tout est très bien organisé. Et ce sont ces images aussi qu'on retrouve encore dans les manuels scolaires. Mais finalement, quand vous écoutez les témoignages, que ce soit de rescapés juifs, que ce soit de témoins ukrainiens ou biélorusses ou lituaniens, ou même des dépositions après-guerre d'anciens membres des Einsatzgruppen ayant participé à ces tueries, on se rend compte qu'il n'en était rien, que cette image d'ordre n'est qu'une mise en scène, finalement, parce que sur place, il y a des cris, il y a des hurlements, c'est le chaos total. Il faut bien se rendre compte de ça. Tout comme les Allemands, quand ils prennent ces photos, notamment lors des pogroms, on a tous en tête les images du pogrom de Lviv, il y a une intention derrière. Et l'intention, c'est de montrer que la population locale participe massivement aux persécutions des Juifs. Et que, finalement, les Allemands arrivent à Lviv et ailleurs comme des libérateurs du joug judéo-bolchévique. Et c'est ça qu'ils veulent montrer dans leurs images. Ils vont montrer uniquement des civils qui s'en prennent aux Juifs. Et ça, cela vient conforter l'idée que les Allemands mènent à l'Est une guerre défensive contre l'Union soviétique, dont les Juifs sont les principaux soutiens, et qu'ils ont finalement raison de mener. C'est une guerre juste, une guerre d'anéantissement qui doit être menée contre la barbarie exercée par Moscou. Et c'est ainsi qu'ils vont aussi instrumentaliser les découvertes macabres dans les prisons du NKVD, où effectivement, avant la retraite, les soviétiques exécutent dans les prisons massivement leurs prisonniers politiques, majoritairement des Ukrainiens, mais il y a aussi parmi eux, il faut le souligner, des Polonais, des sionistes. Ils les massacrent parce qu'ils n'ont pas le temps de les envoyer vers l'Est. Et Hitler va instrumentaliser ces découvertes pour asseoir une fois de plus son discours de guerre contre l'Union soviétique. Avec la volonté d'associer les Juifs à ces découvertes. Alors, on l'entend bien, ce sont les Soviétiques en partant qui ont laissé évidemment les corps de leurs opposants. Et donc les nazis vont avoir cette perversité en fait d'associer les Juifs à ce système-là. Oui, et ils les associent physiquement. C'est-à-dire qu'ils vont organiser une extraction des corps de ces prisons à Lviv, mais aussi dans d'autres localités de Galicie orientale. Et ils vont charger des Juifs qu'ils ont arrêtés dans la rue d'extraire ces corps et pour créer une sorte presque de lien physiologique entre le soi-disant bourreau et sa soi-disant victime. Et ils vont prendre des photos de tout ça. D'ailleurs, Hitler, dès qu'il a vent de cette histoire, il dépêche immédiatement des journalistes sur place, y compris des journalistes des pays neutres, pour qu'ils puissent documenter ces découvertes. Tal Brutmann. Et d'ailleurs, en plus, sa figure, ça a été filmé, l'extraction que Marie évoquait, ça a été filmé par les actualités allemandes, nazies, et sa figure dans les actualités nazies. On voit ces extractions de corps faites par des Juifs. Or, justement, ces images sont très intéressantes, parce que les Juifs qu'on voit extraire les corps sont ceux des victimes, sont ceux qui vont être victimes du pogrom ensuite. Autrement dit, si vous utilisez ces images aujourd'hui, soit vous les utilisez dans le sens nazi pour montrer que le NKVD a exécuté les victimes, et à l'époque, la nature des victimes n'est pas évoquée. Mais en fait, si vous l'utilisez aujourd'hui, vous pouvez aussi voir qu'il ne s'agit pas uniquement de victimes du NKVD, mais de futures victimes du pogrom antisémite qui va être orchestré par les Allemands en s'appuyant sur des nationalistes ukrainiens. Tout à fait. Et en plus, il y a parmi, par exemple, des photos des corps, de tas de corps dans certaines prisons, qui ont été identifiés en fait comme étant des victimes du pogrom, donc des victimes juives, et que les nazis ont essayé de faire passer aussi pour des victimes soviétiques. Ouais, parce que cette histoire-là est une histoire très complexe, une histoire de mise en scène, une histoire où les nazis sont très forts, notamment pour mettre en place des camps heureux. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas. Mais il y avait de la propagande pour montrer que les camps, c'était pas le désespoir. En 1944, les SS décident de faire ce qu'ils appellent un reportage sur la vie dans les camps en vue d'une large diffusion. C'est ce document exceptionnel que nous allons vous présenter. Le camp choisi sera Theresienstadt, en tchèque Térésine. La réalisation en est confiée, tant par économie que par cynisme, à une équipe juive. Du metteur en scène aux figurants, tous sont juifs. Et tous, le film terminé, prendront le train pour Auschwitz. Le commentateur dit « Les jardins fournissent aux familles juives tout le nécessaire en fruits et légumes. » Ce que le commentateur ne dit pas, c'est que ce potager était réservé aux SS. Quiconque volait, ne serait-ce qu'une pomme de terre, était aussitôt expédié à Auschwitz. Les camps heureux présentés en 1965 dans l'émission 5 colonnes à la une, donc film de propagande nazie, pour donner une explication. Où vont tous ces juifs qui sont déportés? Ils vont dans des camps heureux. Mais quand Marie Moutier-Bitton nous explique l'utilisation de l'image par la propagande hitlérienne, on la comprend et c'est extrêmement clair. Dans ces documents de propagande diffusés là, dans 5 colonnes à la une, on comprend. Tal Brutmann, un album d'Auschwitz. Pourquoi? Pourquoi les nazis ont eu besoin à un moment donné, de prendre des photographies? C'est le camp d'extermination, il faut vraiment le dire. Hein. Ce sont des gens qui vont à la mort directement. Alors, en fait, mais il y a, en particulier sur la Seconde Guerre mondiale, il y a tout un ensemble d'incompréhensions qui sont nées à partir de 1945. Et cet extrait de 5 colonnes à la une, à cet égard, montre comment les choses se sont stratifiées et constituent un terreau commun de ce qu'on pense être des connaissances. Ce film sur Theresienstadt, qui a été découvert au sortir de la guerre. En fait, il y a eu cette interprétation qui a été donnée qu'on a pu entendre là. Sauf que cette interprétation, elle est fausse. On ne sait toujours pas, il y a eu énormément de travaux depuis une vingtaine d'années, pourquoi ce film a été fait. Et justement, ça rejoint votre question sur cet album qui a été fait à Auschwitz. Le pourquoi, il faut le raccrocher à une pratique administrative qui existe en Allemagne, mais aussi en France. Sauf qu'en France, évidemment, vu que l'histoire était différente, on n'a pas ce type de photographie. C'est qu'en Allemagne, quand vous avez des rapports écrits faits par les administrations, quelles qu'elles soient, souvent c'est accompagné de photographies qui illustrent le travail réalisé. En France, en gros, si la DDE construit une route, elle va faire des photos qu'elle va joindre au rapport écrit. Et tout le monde connaît au moins une des images iconiques de la Shoah. Les images iconiques de la Shoah, c'est quelques photos des Einsatzgruppen, des photos extraites de l'album d'Auschwitz et la photo dite de l'enfant du ghetto, où on a un enfant terrorisé qui lève les bras au premier plan d'une photo qui montre des juifs qui sont extraits par les SS lors de la révolte du ghetto de Varsovie, qui sont extraits d'un immeuble. Or, cette photo-là provient d'un autre rapport qui s'appelle le rapport Stroop, du nom du SS qui était chargé de liquider le ghetto. Et on a un ensemble de 57 photographies qui accompagnent un rapport écrit. Et il y a d'autres rapports beaucoup moins connus, mais par exemple, pour la Galicie que Marie a étudiée, il y a un rapport très connu parmi les 12 historiens qui travaillent sur le sujet, qui est le rapport Katzmann, du nom du SS, qui dirige la liquidation des Juifs de Galicie. Or, en fait, si on rapproche cet album-là du rapport Katzmann, par exemple, ou du rapport Stroop, on apprend énormément de choses. Le rapport Katzmann est fait comme l'album d'Auschwitz, où on a des photographies qui ne montrent pas la violence, et c'est volontaire, alors qu'il y a énormément de violence par ailleurs, sur ces photos. On a des photographies qui montrent comment est-ce que nous, SS, que ça soit Katzmann, que ça soit Stroop, ou que ça soit ici, en l'occurrence, Heuss, veulent mettre en scène les événements. Le rapport Katzmann, qui parle de la liquidation de centaines de milliers de personnes, en fait, il ne montre aucune violence. Il montre des juifs qui sont au travail, notamment sur des constructions routières, et Marie pourra en parler bien mieux que moi, parce que c'est son champ d'étude. Il montre des juifs qui sont en train de trier des objets. Les objets, évidemment, sont des objets qui proviennent des juifs qui ont été assassinés. Type de photo qu'on retrouve dans l'album d'Auschwitz. En fait, cet album, et c'est un des points qu'on a mis au jour durant notre travail, était sans doute destiné à accompagner un rapport qui a été envoyé à Berlin, un rapport écrit, Et comme le rapport Stroop, vous avez une moitié écrite, une moitié visuelle, c'était sans doute la partie visuelle. À ceci près, et que là c'est lié à la nature de l'album, la nature de l'objet, on sait grâce à des témoignages qu'une quinzaine d'exemplaires de l'album ont été réalisés, destinés à Himmler, destinés à d'autres hiérarques du régime, sans doute Adolf Eichmann. Mais quand vous regardez l'objet, et là la matérialité est très importante, on se rend compte qu'on n'a pas affaire à une version officielle. On a affaire à quelque chose qui a été en fait fait avec des chutes, les photos qui subsistent une fois que la copie officielle ou les copies officielles ont été réalisées. Et là, et c'est tout le travail qui est toute la dimension apportée par Stefan Hördler, qui est spécialiste de la SS des camps. Le SS qui a, après Auschwitz, été en poste à Dora et qui est lié à cet album, c'est Walter, qui est le chef du service anthropométrique et l'un des deux photographes. Et en fait, c'est la copie qu'il s'est gardée pour lui, une sorte de trophée, qui n'est pas la copie officielle, mais une copie que le photographe impliqué dans l'opération a gardée par-devers lui et emmenée avec lui à Dora, puisque c'est le seul des SS qui était à Auschwitz envoyé à Dora, qui est relié à l'opération photographique. Autrement dit, on n'a pas une version officielle avec des guillemets de l'album, on a une version qui diffère sans doute, mais on n'a pas de comparaison parce qu'aucun autre exemplaire ne nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui. C'est pas impossible que dans 6 mois ou dans 10 ans, une autre copie de cet album provienne, mais pour Stroop, justement, et tout l'intérêt est là de comparer, Stroop, on a 2 copies. Celle envoyée à Himmler, donc l'ultra-officielle, et celle, le brouillon gardé par Stroop. Et on peut voir des différences. Évidemment, le corpus est à peu près le même, mais il y a un quart des photos qui sont différentes, etc., etc. Donc, par tout ce jeu de mise en perspective, de comparaison avec d'autres documents, d'essayer de comprendre le fonctionnement de l'administration SS, mais entendu comme administration, si vous mêlez tout ça, enfin, si vous faites le travail d'historien classique, vous pouvez comprendre, et c'est ce qu'on a essayé de faire, pourquoi cet album a été fait. C'est un rapport interne, et c'est la partie photographique d'un rapport interne, la partie écrite a disparu, envoyé à Berlin pour montrer comment moi, Rudolf Höss, et là aussi, il y a une dimension très importante, Rudolf Höss, créateur du camp d'Auschwitz en 40, a été promu à Berlin en novembre 43. Sauf que fin avril 44, quand est décidée l'opération, ce qui s'appelle l'opération de Hongrie, le programme hongrois, l'assassinat des Juifs d'Hongrie, le successeur de Höss s'avère incompétent aux yeux d'Eichmann. Et donc Berlin va dépêcher Höss, qui va se faire fort de montrer que lui est un tueur de génie. Vraiment, il faut vraiment comprendre. C'est moi, Rudolf Höss, je vous montre comment j'ai tout organisé en moins de 15 jours pour réaliser cette opération d'assassinat extraordinaire. Et ces photos sont là pour servir à l'autopromotion de Rudolf Höss et de ses adjoints qui ont été rappelés pour l'occasion. Et là aussi, et c'est ce qu'on montre, c'est que vous avez des hommes qui sont répartis dans tout l'espace concentrationnaire nazi ou qui ont opéré sur le front de l'Est, notamment dans les Einsatzgruppen. Tous ces spécialistes de la tuerie de masse sont dépêchés à Auschwitz pour épauler Höss, pour organiser cette opération qui est d'une ampleur inédite. Sur un même site, on projette d'assassiner 630 000 juifs en 3 mois, ça n'a jamais été opéré. En Pologne, à l'été 42, on assassine quasiment 2 millions de juifs, mais sur 3 sites différents, Treblinka, Belzec, Sobibor, et sur plus de 6 mois. Là, c'est, il n'y a plus qu'Auschwitz qui fonctionne à ce moment-là, et tout est concentré sur Auschwitz. Et donc c'est vraiment une opération d'autopromotion, et il faut l'avoir en tête quand on regarde ces photos. Très important, hein, cette étude particulière des images, parce qu'on ne les regarde plus jamais ensuite de la même manière. Marie Moutier-Bitan, quand vous travaillez sur ces images-là, vous avez cette démarche qu'on a évoquée, hein, de regrouper, mais bon, ce qu'on fait, font tous les historiens et les historiennes, les sources, c'est-à-dire les témoignages, bien sûr, du passé et d'aujourd'hui et les images. Et c'est vrai que ces images sont saisissantes. Hein. Quand on regarde pour certaines d'entre elles, on voit ce moment de tuerie, ce moment de pogrom. Et quand on regarde pour certaines, vous avez la foule autour qui est là, massive. On retrouve un peu cette idée, j'allais dire, de la non-violence. La violence est intrinsèque elle-même à la photo, mais c'est l'idée de montrer que tout se passe bien et surtout que les gens du coin font le travail. L'idée, c'est de montrer qu'il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés contre les Juifs. Là, vous avez montré, par exemple, une photo prise lors du pogrom de Dobromil, donc début juillet 1941, tout à fait. Et là, sur cette photo, on voit à la fois des civils, des enfants même, certains adolescents, et aussi des soldats slovaques qui sont présents et qui vont eux aussi participer directement au massacre de Juifs lors de ce pogrom, et ce pogrom en fait qui accompagne une entreprise d'exhumation de corps qui ont été trouvés abandonnés en fait par les soviétiques lors de leur retraite. Et ce que montre cette photo, bon, il y a quand même cette violence qui est très présente, hein, parce qu'on voit très bien que ces 5 juifs qui se trouvent dans cette sorte de bassin vont être, et on le sait d'après les archives, vont être noyés dans ce bassin, et cette foule qui se masse autour d'eux et qui les empêche d'en sortir. Dès le 29 juin 1941, une lettre d'Heydrich destinée aux Einsatzgruppen pour leur dire, voilà, rappelez-vous, je vous l'ai dit déjà lors de la réunion du 16 juin 1941, nous souhaitons organiser des actions, je cite, d'auto-épuration, donc des pogroms, qui doivent donner l'impression que cela vient de la population locale. Et ces actions d'auto-épuration doivent se diriger en premier lieu contre les juifs et les communistes. En réalité, 90% des victimes sont des juifs. Et là, c'est très important, on doit faire en sorte qu'on ne puisse pas remonter jusqu'aux autorités nazies. Et Heydrich, en fait, va réitérer cet ordre 3 fois. Aux chefs d'Einsatzgruppen, aux HSPF, qui sont les grands chefs de la SS et de la police. Et pour lui, c'est capital. Et c'est effectivement ce que l'on voit dans les photos du programme de Lviv, etc. Et il y a un rapport de l'automne 1941 de Stahlecker, qui lui est le chef de l'Einsatzgruppe A, et qui donc lui s'occupe de l'extermination des juifs de la Baltique, donc des Pays-Baltes, qui dit dans son rapport, qui est destiné à Heydrich et Himmler, qu'il a très bien avancé dans les fusillades des juifs, et surtout qu'il a pris des photos. Et des photos qui montrent la participation locale. Et effectivement, quand je me suis rendue sur place en Lituanie, les témoins lituaniens que j'ai pu trouver sur place, systématiquement me parlaient de la présence d'un photographe lors des fusillades. Et en fait, ces fusillades, pour la plupart, qui ont lieu à l'été 41 et pour les hommes, et septembre 41 pour les femmes et les enfants, c'est-à-dire qu'à partir de septembre 41, il y a les juifs survivants en Lituanie, par exemple, ne le sont que dans des grands ghettos comme Vilnius ou Kaunas. Pendant ces 3 mois de tuerie, ce sont principalement des unités lituaniennes qui participent, et ça, les Allemands le documentent. Ils veulent montrer qu'effectivement, ce sont eux qui font le travail, alors qu'en fait, et bien évidemment, et ça, il faut jamais le perdre de vue, ce sont bien entendu les nazis qui orchestrent tout cela. Et qui ne sont pas violents sur ces images de l'album d'Auschwitz. Alors ça, c'est le paradoxe de son nom, et c'est aussi l'apport de l'analyse de l'image, parce que on s'en rend pas compte, on sait qu'Auschwitz est violent, donc on a une image d'illustration, donc on se dit c'est violent. Mais tant, quand on regarde l'image, il n'y a aucune violence. En fait, elle est là, mais il faut la voir. Elle est là, il faut la voir. Et puis, en fait, si je puis me permettre, votre transition est excellente, parce que ce que Marie vient d'évoquer, les photos prises sur le front de l'Est, elles ont là aussi sédimenté dans notre imaginaire. Et quand on regarde ces photos-là, justement, on se dit c'est pas violent. Auschwitz, c'est pas violent. Ouais. On a en tête les photos des fusillades de masse, des pogroms. Et donc, quand on regarde les photos d'Auschwitz et qu'on a en plus en tête non seulement ces photos-là, mais les témoignages des rescapés qui racontent comment se passe la sélection, c'est-à-dire les scènes photographiées, où il y a de la violence, on se dit il n'y a pas de violence. Pourtant, et justement, c'est là où il faut aussi réfléchir notre rapport à la violence. Ces photos, on voit des nuées d'êtres humains qui descendent de wagons de marchandises ou de wagons à bestiaux. Donc la violence, vous l'avez, sauf que c'est pas la violence qu'on a en tête parce qu'on a les Einsatzgruppen, parce qu'on a les images des camps en 45 prises par les Alliés, parce qu'on a les témoignages, des hurles, enfin de ce que racontent les rescapés des sélections et donc d'Auschwitz. Sauf que on n'identifie pas déjà cette violence-là. Et quand vous avez des SS en armes autour de vous, ce qu'on voit sur les photos, ils ont pas l'air violents, mais pourtant c'est des SS en armes. Et déjà, le fait de le formuler, ça permet justement de montrer que oui, il y a de la violence. Maintenant, il y a un autre élément, et c'est là où c'est très important, c'est que toutes ces photos ont été prises en gommant toute trace de violence, volontairement. Et il faut toujours réinscrire ça dans l'idée qu'on a fait un rapport administratif. Quand vous faites un rapport à votre chef, à votre supérieur, vous le rendez proprement. Autrement dit, votre copie est propre. Vous n'allez pas faire des ratures, etc., etc. De la même manière, là, les photos ont pour mission de montrer à Berlin que nous, les SS, à Auschwitz, on est tellement forts qu'on n'a même pas besoin de cogner les Juifs, on n'a pas besoin d'être violents avec eux, on les mène jusqu'à la chambre à gaz en l'aide du pont. Ouais. Et après, à la fin de la guerre, enfin, après la diffusion de ces photos, ça va venir conforter l'idée que oui, les Juifs se sont laissés mener comme des moutons à l'abattoir, alors qu'on est piégé par ces photographies mises en scène par les SS. Mais il y a aussi un élément très important, c'est qu'on a pu retrouver des témoignages de gens qui sont sur ces photos, qui décrivent des scènes de violence qu'on ne retrouve pas sur les photos. Il y a une femme qui est témoin au procès Eichmann en 61 à Jérusalem, et Esther Goldstein, et on peut trouver son témoignage sur YouTube, puisque tout le procès est sur YouTube. Elle dit, une de mes sœurs est arrivée avec ses enfants, elle a refusé de lâcher ses enfants, elle a été rouée de coups par les SS. Or, on voit Esther Goldstein, il n'y a aucune violence sur les photos. En fait, on a affaire à des photos qui ont été mises en scène, qui tentent de gommer toute trace de violence, alors qu'il y a des traces de violence de partout. Et je termine juste sur un exemple. On a évoqué les hommes rasés de force, mais où on voit que le résultat final. Tous les SS sur les photos ont des cannes. Or, ces cannes, elles signifient deux choses. D'une part, ces cannes sont un instrument de violence pour mettre des coups. Et par ailleurs, ça permet aux SS d'attendre pendant la sélection, qui est un processus long, ça dure 2 ou 3 heures. Donc, ils peuvent s'appuyer sur la canne. Mais c'est un instrument de violence. Et en plus, c'est un double instrument de violence. Chaque fois que vous voyez une canne utilisée par un SS sur une photographie, c'est la trace de l'assassinat d'un juif ou d'une juive qui est âgée ou handicapée, qui est arrivée avec une canne, qui a été tuée. Les SS ont récupéré la canne dans les entrepôts du camp et en ont fait un instrument de travail. Donc, à chaque fois qu'on a une canne sur une photo, la violence est là. Donc, il faut vraiment comprendre que, oui, il y a de la violence, les wagons, etc., la présence des SS, et ensuite, on ne la voit pas déployée. Et il y a un autre élément très important, les témoignages écrits ou oraux des rescapés, mais aussi les dessins, montrent cette violence. Sauf que nous, inconsciemment, on pense que les photos produites mécaniquement sont la réalité, tandis qu'un dessin serait subjectif. Or, un dessin, c'est comme une photo. Il y a la subjectivité, il faut le recouper par les archives, les témoignages. Qui dit la vérité? Est-ce que c'est les dessins qui montrent comment se passe la sélection? Et on a 3 dessins faits en 43 au camp de Birkenau par un déporté anonyme et les dessins ont été retrouvés, où on voit énormément de violence. Ou alors les 197 photos qui sont diffusées dans le monde entier où il n'y a aucune trace de violence, la conclusion est simple, les 3 dessins disent la vérité, les 197 photos mentent. Là, sur l'album d'Auschwitz, effectivement, ces nazis ont de très beaux uniformes, ils se sont fait beaux, ils ont mis leurs médailles, ils sont somptueux, ils ont des cannes, il y a des cannes partout. Et puis vous savez, même les mots dissimulent la violence. Quand nous parlons de barbe rasée, on a obligé un juif à se raser. Marie Moutier-Bitton, vous l'expliquez bien, hein, c'est rasé au couteau, c'est les joues arrachées, et après vous donnez l'exemple de nazis qui frottent du sel après sur les joues. Enfin, la violence est omniprésente. Elle est omniprésente, et ce que Tal illustre bien, et ce que l'on voit dans nos travaux respectifs, c'est cette nécessité absolue de devoir, en tant qu'historien, étudier la Shoah au-delà des archives allemandes, au-delà des documents produits par les bourreaux, et ça me semble absolument fondamental. Tal parlait des témoignages des rescapés, par exemple. J'ai utilisé les livres du souvenir, qui sont des livres de recueils, de témoignages de survivants juifs de communautés de Galice orientale et d'ailleurs, qui malheureusement pour la plupart sont écrits en yiddish ou en hébreu, mais ça fait partie des sources fondamentales à utiliser pour avoir un contrepoids en fait de ce narratif nazi. Mais c'est moins accessible en fait, c'est ça. Oui, mais c'est justement par le travail de Tal et le mien que nous essayons de rendre accessible aussi toute cette recherche qu'on a mis en place dans des langues extrêmement variées, le russe, l'ukrainien, le polonais, le yiddish, l'hébreu pour Tal. Voilà, c'est aussi ce travail-là que l'on propose, c'est de décloisonner cette histoire de la Shoah en ne la réduisant pas aux images et aux documents, les rapports dont parlait Tal, qui documentent cette Shoah. Ça me semble extrêmement important de se détacher de ces Täterforschung, qui sont vraiment ces recherches sur les bourreaux nazis, voilà, pour élargir aussi notre regard, parce que le grand souci avec les images de la Shoah, c'est que à 90%, elles ont été produites par les nazis eux-mêmes, et qu'on a extrêmement peu d'images faites à hauteur d'homme par les victimes elles-mêmes. Ouais, c'est ça qui est très important, hein. On sent bien que votre démarche est une réflexion, et je le dis de manière plus générale, hein, sur le rapport que nous avons à l'image, et particulièrement dans le cas de la Shoah. Bah, oui, le livre qu'on a fait, c'est vraiment, on utilise un objet qui est l'album, pour réfléchir beaucoup plus largement à comment utiliser l'image en histoire. Et je vais juste rebondir sur ce que Marie a dit, qui est très important, parce que c'est un angle mort, et je vais prendre un exemple que Marie connaît aussi bien que moi, et peut-être même mieux que moi. Il y a 3 photographies d'un des premiers très très grands massacres en août 41 à Kamenets-Podolsk, en Ukraine aujourd'hui, 3 photographies qui montrent le sort des Juifs. Or, ces 3 photographies-là, contrairement à l'immense majorité des autres photos de massacres, elles sont prises par un soldat forcé, enfin juif, mobilisé de force. Un travailleur forcé juif hongrois, oui. Hongrois, qui est dans l'armée hongroise, mais pas en tant que militaire, mais en tant que travailleur forcé. Et il se cache, et on peut le voir sur les photos qu'on voit qu'il est caché, justement, et ça renvoie à la mauvaise interprétation initiale de l'album. Là, on a des photos clandestines prises par un juif qui montre le sort d'autres juifs dont il est témoin, et qui n'ont rien à voir en matière de perspective, et là, il faut entendre le mot perspective à dessein, avec les photos que tout le monde a en tête de l'assassinat. Et je pense que, et là Marie va être d'accord avec moi parce qu'elle l'a formulé autrement, mais il y a vraiment ce côté voyeur où on a l'habitude de voir l'assassinat photographié, on voit les fusillades. Or, si vous regardez la photo de Kamenet Spodols, qui est prise par d'une autre perspective, un autre point de vue, voyez pas l'assassinat, vous voyez juste une cohorte de gens qui va à la mort avec des handicapés qui sont portés par d'autres personnes, des femmes et des enfants qui sont encadrés par des soldats. Et ça, vous ne le verrez jamais dans des images nazies, comme vous avez les fameuses quatre photos du Sonderkommando qui ont été étudiées notamment par Didi Huberman et qui montrent ce qui se passe à Birkenau d'une autre manière que les photos de l'album d'Auschwitz. Regard éclairant. Je pense que tous nos auditeurs, nos auditrices, enseignants, pour un certain nombre, réfléchissent hein, d'un coup à leur démarche même, et moi le premier, je trouve ça vraiment pertinent, et je vous le dis par l'aspect extrêmement éclairant de ce moment particulier avec cet album d'Auschwitz, comment les nazis ont photographié leurs crimes, Tal Brutmann, hein, c'est publié au Seuil, et ce pacte antisémite, le début de la Shoah en Galicie orientale, publié chez Passé Composé, toujours faire attention à l'image, aux producteurs de l'image, vraiment merci vivement à vous deux pour... ce regard historique est méthodologique et il est temps de poursuivre dans le cours de l'histoire avec Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Pourquoi la CGT a dénoncé la retraite des morts ? Le projet de loi concernant la réforme des retraites, présenté par le gouvernement au début de l'année 2023, a suscité un puissant mouvement social qui rappelle, par certains aspects, celui qui s'était produit lors du vote de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes le 5 avril 1910. Ce fut la première mesure prévoyant une retraite obligatoire et générale pour tous les ouvriers et paysans. Assez proche du système mis en place peu de temps auparavant en Allemagne par Bismarck, elle reposait sur une triple contribution. Celle des ouvriers, celle des patrons, d'un montant équivalent à celle des ouvriers, et celle de l'État. Les pensions versées aux cotisants étaient extrêmement modestes et pour en bénéficier, il fallait avoir travaillé jusqu'à 65 ans. La gestion des caisses reposant sur un système de capitalisation. Un front social disparate se mobilisa contre cette loi. L'un des principaux griefs concernait un dispositif jugé trop bureaucratique. Des registres devaient être tenus en mairie et il fallait que les salariés conservent précieusement un carnet dans lequel ils devaient coller des timbres censés prouver qu'ils avaient régulièrement cotisé. À une époque où les classes populaires étaient encore peu concernées par les pratiques administratives, ce dispositif alimenta une forte méfiance. La CGT dénonça ce système en disant que ces carnets ressemblaient à l'ancien livret ouvrier que Napoléon Ier avait créé pour contrôler la classe ouvrière. La loi fut aussi fortement contestée par les conservateurs. Les catholiques estimaient que la question sociale devait rester sous la coupe de l'Église. Quant aux patrons des grandes entreprises, ils refusaient que les pouvoirs publics interviennent pour protéger leurs salariés, car ils souhaitaient pérenniser la politique paternaliste qu'ils avaient mise en place pour fidéliser leurs ouvriers. Au-delà de tout ce qui pouvait les opposer par ailleurs, la convergence entre des forces de gauche et des forces de droite contre la loi de 1910 témoignait de la force qu'avait conservée en France une conception de la liberté individuelle s'opposant à l'intrusion de l'État dans la vie quotidienne des citoyens. Ces réflexes individualistes, héritage de la Révolution française, furent répercutés dans la législation puisque le 11 décembre 1911, la Cour de cassation annula le caractère obligatoire de la loi en décrétant qu'un employeur ne pouvait pas forcer un salarié à cotiser. L'autre argument majeur qui fut opposé à la loi de 1910 concernait l'âge de la retraite. Les statistiques officielles du recensement professionnel de 1906 prouvaient que 3,2% des Français de plus de 65 ans étaient des ouvriers, alors qu'ils formaient près du tiers de la population active. Cette statistique cruelle démontrait que la plupart des travailleurs cotiseraient pour rien, puisqu'ils n'atteindraient pas cet âge fatidique. Voilà pourquoi la CGT se mobilisa autour du slogan « Non à la retraite pour les morts ». En 1912, le montant des retraites prévu initialement fut revalorisé grâce à une forte augmentation de la rente d'État. Preuve qu'un mouvement social peut inciter un gouvernement à revoir sa copie. Eh ben tiens, merci beaucoup Gérard Noiriel. Et voici venu dans le cours de l'histoire un cas. Mais quel cas ? Un cas, Valérie Hanin, bonjour. Bonjour Xavier. Directrice de rédaction du magazine L'Histoire qui s'intéresse aux Incas, un empire à 3000 mètres d'altitude. Pourquoi ce choix d'ailleurs des Incas ? Eh bien parce qu'on a voulu raconter l'histoire autrement. En général, c'est une histoire qu'on commence par la fin. 1532, Pizarro arrive à Tumbes, sur la côte pacifique du Pérou. Il combat et il capture Atahualpa. Et puis après avoir pris Cusco, il est exécuté, le successeur de l'Inca. Il soumet l'Empire. Même si les choses se sont passées un peu plus facilement, au fond, c'est cette brutalité de la chute qui explique sans doute le mystère qui entoure la civilisation et toute la fantasmagorie aussi. C'est qu'on a très peu de sources. Il n'y avait pas de sources écrites avant la conquête, puisque les Incas ne connaissaient pas l'écriture. Il y a très peu de monuments qui restent, d'abord parce que les Espagnols les ont détruits. Ils ont pillé les plaques d'or du Temple du Soleil. Ils ont détruit systématiquement. Et au fond, l'histoire des Incas, elle est restée celle qu'ont raconté les sources coloniales, c'est-à-dire les Espagnols avec la collaboration des métis, sont des sources magnifiques, hein, les codex, les Poma de Ayala, l'Inca qui nous raconte avec la tradition orale tout ce qui s'était passé avant, ce qui fait qu'on a une chronologie canonique, 12 Incas qui sortent miraculeusement du lac Titicaca, et puis une histoire dans laquelle l'or, les momies, les sacrifices humains tiennent jusqu'à Hergé, tiennent une place absolument disproportionnée. Alors, ce qu'on a voulu faire là, vous l'imaginez bien, Xavier, c'est une autre histoire, une histoire que nous raconte l'archéologie aujourd'hui, qui est à la fois plus originale et plus banale. L'histoire d'un empire, d'un groupe ethnique qui, dans les alentours de Cusco, on retrouve les traces vers le 11e, 12e siècle, et puis ils ont construit un empire incroyablement immense. Ah mais c'est à ça 3000 mètres d'altitude. 3000 mètres d'altitude. De la Colombie aujourd'hui jusqu'au Chili, jusqu'à la pointe du Chili. Enfin, c'est absolument incroyable. À partir de Cusco, avec des moyens assez réduits, puisqu'il n'y a pas l'écriture, on le disait, il n'y a pas d'animaux de trait, il n'y a pas la roue, et pourtant, 30 000 kilomètres de route, au rythme des lamas, au rythme des coureurs à pied qui se relaient, un empire relativement centralisé, assez bien organisé. L'archéologie nous montre tout ça. Aujourd'hui, on connaît assez bien les limites. Les limites, c'est celles que nous donne la limite de l'architecture inca, les gros moellons qui sont très très bien ajustés, les cultures en terrasse, et on retrouve ça jusqu'à, enfin, sur toutes les Andes. D'une façon évidemment très précise, la vie quotidienne, le maïs, le quinoa, les cochons d'Inde, enfin, on sait tout ça assez bien. Donc une histoire d'empire qui, alors beaucoup moins fantastique, beaucoup moins de sacrifices d'enfants, même s'il y en a malheureusement quelques-uns, mais enfin c'était quand même pas l'ordinaire. Tout ça n'empêche pas les mythes, on en parle aussi, on recherche toujours la momie d'Atahualpa, il y a des archéologues, une archéologue, Tamara Estupinan-Viteri, qui est à la recherche de la momie d'Atahualpa, n'empêche pas les mythes, mais derrière les mythes, il y a vraiment une belle histoire d'empire assez méconnue et qu'on essaie de rendre ici. Faire de l'histoire. Enfin, faire de l'histoire. Ça. C'est ça. Ne pas écarter les mythes, les étudier aussi. Ils en font partie. Ils en font partie, mais faire de l'histoire et utiliser l'archéologie. Merci beaucoup Valérie Hanin. Un cas, un empire à 3000 mètres d'altitude. C'est le titre du dernier numéro du magazine L'Histoire. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares et Daphné Leblond, avec aujourd'hui à la technique d'Ali Yaha. Émission préparée par Jeanne Delecroix, Antoscan Dudès, Jeanne Copège, Yann Tilly, Maïwenn Guizhou. Émission écoutée à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Guerre en Ukraine, le podcast de la rédaction internationale de Radio France. Le récit de la guerre par les envoyés spéciaux et correspondants de France Inter, France Info et France Culture. Isabelle Labéry. Un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, où en est le rapport de force militaire? Nos reporters et correspondants vous racontent ce qu'ils vivent et ce qu'ils voient, des faits, des témoignages, de l'analyse pour mieux comprendre cette guerre. Guerre en Ukraine, un podcast à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.